élément. Tonaï. Eh, hey, Jack. On est déjà vendredi. Oh. Ça y est, enfin le week-end. Eh oui, c'est vrai que c'est déjà le week-end, ouais. Ouais. Mais enfin, toi, t'es en. Non, je voulais. D'accord, ok, merci. C'est okay, pour c'est toi. C'est pour moi, c'est gentil. Ça me fait plaisir de te retrouver pour une nouvelle petite capsule. Bah, alors, moi aussi. C'est vrai qu'on a fait long cette semaine. On a fait trop long. C'est que normalement, une capsule, c'est 15 minutes. Là, on a. Aux gens, ce qu'ils en pensent. Ouais, mais les gens, mais ça dépend de quel genre tu demandes. Oui, 20 minutes, c'est n'importe quoi. Tu crois que les gens, ils sont comme ça? Si c'est les mêmes qui, ceux qui écoutent le. Parce que... Ouais. C'est trop court. Ouais, non, mais les gens, ils sont relous. Ouais. C'est exigeant, surtout. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tu sais que moi, j'ai des réflexions. Mais... Oui, oui, un épisode des gens du podcast tous les 15 jours, c'est trop peu. Ah, heureusement bah ouais. qu'il y a les capsules entre deux. Ah, oui. Les gens, ils se rendent pas compte, c'est que nous, on est toujours au turbin, nous. Parce que nous, on arrête c'est jamais. C'est quoi un turbin? C'est comme un turban, mais. C'est mais comme. Il y en a qu'un? C'est comme le travail. Ok. Voilà. Moi, je dis ok. Faites pareil quand vous comprenez pas. On va donc parler d'un groupe qui est déjà venu en 2008, en 2013, en 2010, en 2013, qui devait venir en 2022, mais qui est annulé. Ah, pourquoi? Je sais pas, sûrement une grève des trains. Ah merde, t'as pas la réponse en fait. Non, mais j'ai... Bah, on les a rarement les réponses des annulations. Enfin. Et donc, un groupe dont on avait quand même parlé dans la saison 5, dans l'épisode 32. Ah ouais? Ah merde, j'ai loupé celui-là. Ouais. Putain, mais c'est pour ça que ça me disait rien. Et qui viendra cette année jouer sous la Temple le vendredi. D'accord. D'ailleurs, je vais regarder quand même à l'occasion s'ils sont pas haut placés le vendredi. Ah, ils sont en sous-tête d'affiche. Du coup, avant de commencer à vraiment parler, oui. est-ce que ça serait pas le moment pour toi de nous régaler avec un petit générique? Ok. J'ai l'impression que t'en as plus sous le coude, mais c'est rigolo. C'est pas grave. Les impros, il y en a qui aiment bien. Ouais, c'est vrai, moi le premier. D'ailleurs, vous nous direz en commentaire impro ou pas impro, ce que vous avez préféré. Et ça se trouve, on va faire « c'était lesquels, les improvisés, c'était les skills, les bonus ». Franchement, on voit pas de différence, tout est très mid. C'est clair, on a l'impression que tout est bossé, machin. Ok. Je cherche dans ma dans ma besace. Alors, générique du vendredi. Générique. Générique du vendredi. C'est bientôt le week-end. Du vendredi. Heureusement, pour faire la fête, c'est l'heure de la capsule du vendredi. Qu'est-ce que je vais devenir si j'ai pas ma capsule du vendredi? Ne te pose plus la question, car on est là. Générique. Donc, comme je le disais en intro, un groupe qui a annulé sa dernière potentielle venue, et en plus, qui vient cette année avec un petit changement. Un changement assez récent et en même temps pas tant vu de ce que j'ai pu lire. De quel changement tu vas parler? Ah là je te perds hein. Ah là, oui, là, complètement là. En plus il y a une des capsules cette semaine où tu as dit ouais, bah tu l'as dit, je crois que c'était ça monte déjà mais c'était pour Mastodon, tu as dit ouais, il y a une belle discographie. Ouais. Laisse-moi te dire que là tu as dû un petit peu stresser, non? Ouais, un petit peu aussi, ouais. Il y a un autre voilà, il y a un autre groupe où tu as dit "Oh, j'ai un peu survolé." Là quelque chose me dit que tu as dû survoler aussi pas mal. Un peu moins quand même. Un peu moins? Un peu moins quand même. Est-ce que tu nous dirais pas de quel groupe on va parler? Alors je pense qu'on va parler du dernier groupe de la semaine. Exactement. My Dying Bride. On va parler tout de suite de My Dying Bride. Bride, dans des brides. Ah, je me rappelle celui-là. Ah. Je vais le chercher. T'as pas été le chercher bien loin celui-là? Le dernier peut-être bien, non? Ah pardon, attends, on dérange peut-être. Non, c'est, en général c'est dans dernier ou avant-dernier? J'en parle pas sur la musique, mais... Alors, pour te répondre, parce que j'ai même été réécouté comment je procédais, et en fait, sur les génériques, je mets un morceau récent, et sur les extraits, un morceau ancien. Sur les extraits... Ah, les petits shorts, là Non, ça, non, là. Ça, ah oui, d'accord, pardon, là. Ok. Parce que dans le générique, il y a un peu un morceau. Je me rappelle bien, celui-là. Ah ouais. Du coup, on va parler de My Dying Bride, qui est un groupe anglais de doom metal, metal gothique, death metal, mais qu'on va dire, au final, est beaucoup plus un groupe de death doom. en fait. Ça mélange un peu les deux. C'est, et il y a quand même avec, on va même dire même un groupe de death doom gothique pour être. Voilà, plus, ouais. Voilà. On va vraiment englober ces trois styles-là. Okay. Donc quand même qu'un groupe qui s'est formé en 90, donc il y a 36 ans de carrière, c'est ça. Ce qui explique le fait qu'il y ait 14 albums au compteur. Donc c'est un groupe anglais, comme je l'ai dit, originaire de Bradford et qui fait partie de ce qu'on appelle les pionniers du genre death doom un peu gothique, aux côtés d'Anathema et Paradise Lost, mm-hmm. Ce qui explique qu'il peut y avoir certaines sonorités qui peuvent se retrouver dans ces groupes-là. Mm-hmm. Donc à la base c'était un quatuor de groupe qui s'est aujourd'hui maintenant est retrouvé 1, 2, 3, 4, 5 avec 6 membres parce que maintenant qu'il y a un chanteur, 2 guitares, une basse, une batterie et surtout c'est devenu un sextuor. Sextuor ? C'est pas comme ça qu'on dit ? J'en sais rien. Je sais plus. Vraiment, je sais plus cette histoire-là. Qui en fait, il y a un violon maintenant aussi dedans intégré. En fait, on l'entend aussi dans les premiers albums et le violoniste est parti dans Anathema. Mais il y a un violon, ouais, le son que t'entends c'est un violon. Ah ouais. Ouais, si t'as un doute, je te le dis. Ah j'ai un doute. Bah ouais. Donc à la base le groupe il s'est fait connaître comme étant un groupe de death, mm-hmm. Et après rapidement il a évolué vers du doom, ce qui a permis vraiment d'avoir un mélange un peu des deux. Et aujourd'hui bon on peut dire c'est vraiment un mélange des ouais. trois. Ouais ouais ouais. Donc leur premier album studio qui est As the Flower Withers qui est paru en 92 est considéré comme l'un de leurs meilleurs. C'est dommage. Parce que du coup, le deuxième, lui, il finit en 94. Il a fini d'asseoir la notoriété de, bah, justement, comme j'ai dit, d'un des trois grands, qui en plus faisait partie du même label, à savoir Peaceville, donc avec Anathema et Paradise Lost. Donc c'est un groupe qui a des paroles qui sont très imagées, les textes sont recherchés, mais toujours bercés par une certaine noirceur et par une mélancolie sans borne. Mmh, un peu comme ce qu'on a entendu dans l'extrait, en fait. T'as vraiment cette dualité entre un peu le moment lent, et après, qui va crier toute sa rage, relâchée dans un chant. C'est très mélancolique. Ouais, c'est hyper mélancolique. C'est vrai que des fois, même les guitares peuvent aller dans d'autres styles. Ça peut flirter avec le black, même de temps en temps. Et le chant va. Alors, en fait, tu alternes beaucoup d'ambiances dans au sein de My Undying Bride. Et vraiment des trucs, mais c'est comme si tu avais vraiment une espèce de fil conducteur un peu lent. Et que de temps en temps, ça allait, comme si ça allait creuser encore plus profond en toi dans quelque chose de sombre, quoi. Ouais. Je veux dire, ça je sens. Ça sent pas la joie dans ce groupe-là. Je dis rien pour l'instant, c'est pas mon tour. Donc en général, les performances scéniques du groupe sont, à l'époque en tout cas, étaient impressionnantes grâce à leur très charismatique chanteur qui vraiment est habité quand il chante, mm-hmm. Et qui est passionné lui par l'histoire du Christ et de la Genèse, et c'est en général une de ses principales sources d'inspiration. Mmh, et un peu aussi l'amour perdu. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Okay. Donc ça va vraiment dans ces trucs-là. Il y a eu pas mal de changements. L'amour perdu, le fait de perdre sa petite copine, ou, je pense, ouais. Ou le sentiment d'être aussi. Aimé, ou d'amour, non, tout simplement. Peut-être le sentiment de perdre, le fait d'aimer des choses. Oui, voilà, c'est ça que je voulais. Peut-être aussi, une espèce de ça comme ça. Ou tu sais, parce qu'on parle souvent de l'amour perdu pour des gens qu'on aime, mais ça peut être aussi, il y a des gens qui disent, ouais, j'ai perdu. J'étais innocent, j'étais jeune, j'aimais ça. Aujourd'hui, j'arrive pas à l'aimer comme avant. Bah, en fait, j'allais plus faire une parenthèse qu'on a déjà eue avec des gens qui, au bout d'un moment, sont musiciens et n'aiment plus la musique, en fait. Ils aiment plus en faire. Ah oui, ils ont plus ce truc-là, ça leur manque. Et ça, voilà. Donc, il y a eu pas mal de. Comment dire, de variations dans la réception des albums, parce que quand tu fais un style de musique comme ça et qu'en plus ils ont quand même un côté très expérimental dans ce qu'ils proposent, mm-hmm. Et ben de temps en temps tu perds des fans, enfin ça, tu reçois des accueils un petit peu mitigés, quoi. Par exemple, la sortie de l'album 34.788% Complete, il est très très mal reçu parce que les gens le trouvent trop rock électronique et sont un petit peu, tu vois, sont un peu à côté. Ils partent retrouver peut-être leurs émotions des autres. Bah, et ce qui fait que l'album suivant, directement, le groupe revient à ses racines doom death, mm-hmm. Et ça remarche. Mm. Tu vois, et en fait, ils ont fait pas mal de trucs comme ça où ils essayent de tenter des trucs et de revenir hop, tu vois. Tu vois, par exemple, dans l'album encore suivant, donc en 2006, pardon, j'ai confondu avec la sortie du DVD, A Line of Deathless King, ils disent que ça, il y a un choix vocal qui est intéressant où cette fois, Aaron préfère dans cet album la voix lancinante aux cris gutturaux. Donc, tu vois, il vient encore essayer de ramener quelque chose dans tout cet univers qui est quand même extrêmement sombre, mais c'est comme s'ils essayaient un petit peu de venir raconter ça, mais à chaque fois d'une manière un peu différente ou en tout cas d'une implication différente. Oui. Ok. Il y a des moments donnés où ils essayent de faire des albums même un peu plus courts, avec des morceaux en tout cas plus courts. Et ils ont tenté en fait vraiment beaucoup de choses. C'est ce qui ressort en fait de tout ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives musicales et, de, et de trucs qui en fait non seulement une discographie riche, mais un peu en même temps une discographie où on peut se perdre dans ce qu'on écoute. Donc, en fait, je trouve ça, moi, sur un ensemble, je trouve ça un peu difficile d'avoir un avis global sur le groupe. C'est plus facile d'avoir un avis sur période, sur album. Ouais, voilà. Bah, c'est marrant que tu dis ça. Et donc, ce qu'à noter aussi, c'est que bah, depuis 90, en fait, il reste que deux membres originaux, à savoir le chanteur Aaron Stenterp et le guitariste Andrew Cregan. Il y a d'autres membres qui sont partis et revenus, ça, ça fait partie de ces groupes-là. Donc, il y a même des membres qui sont partis, puis revenus, puis repartis. Okay. Mais dans un dans le désordre de plus complet, le guitariste il est là depuis 2019, la basse depuis 2007, le violon depuis 2009 et la batteur depuis le batteur pardon depuis 2018. Ok. Donc ça a pas mal évolué. Et c'est là où on va arriver quand même un petit peu à un truc intéressant, c'est que bah on a appris en octobre 2025 que bah Aaron Stenterp avait quitté le groupe ou s'était fait virer. Donc il y a le chanteur, c'est plus lui en fait. Et donc ils ont pris un autre chanteur, à savoir Miko. 2025 tu dis? Ouais, en 2025. Miko Kotamaki, qui était le chanteur de Swallow the Sun, et il les a rejoints. En fait, ce qui a été dit, c'est que il reste un seul membre fondateur, le guitariste, qui justement lui explique, eh ben qu'ils ont choisi Miko parce que en fait il dit du jour au lendemain on s'est retrouvé sans chanteur. Il dit si tant est bien que ce mot existe, je dois avouer que nous ne savions pas à quel point les ambitions solo d'Aaron étaient profondes. Disons-le poliment ainsi, ce que je comprends un peu, les gens en arrivent à un certain âge et on veut que les choses arrivent vite. En fait, Aaron il a eu des envies de faire autre chose, donc il s'est lancé dans un projet solo qui s'appelle, je l'ai marqué là. Non, je l'ai pas marqué là, je l'ai marqué là. Hyde Parasite, qui a sorti son premier album en septembre dernier, Forever We Burn, et qu'il avait envie de faire ça. Et que du coup, eh ben, il s'est un peu lancé là-dedans. Et il semblerait qu'en fait, ça fait un moment qu'il n'était plus vraiment présent avec le groupe. Il n'écrivait pas les paroles. Ok, d'accord, ouais, ouais. Il n'était pas là aux répètes. Le groupe répétait sans lui et tout ça. Il était là au concert et tout. Il venait enregistrer ses sessions. Mais. Il n'était peut-être pas vraiment là. Il était déjà dans autre chose. Quoi. Et apparemment, pour l'instant, ce qui s'est passé dans les premiers concerts qu'il a pu avoir, c'est que ça s'est bien passé. Les gens ont bien accueilli le chanteur, Miko. Et que même le guitariste, il dit c'est fou parce que les gens, ils savaient que c'était Miko. Ils savaient pas à quoi s'attendre, mais quand il est monté sur scène, ils ont applaudi sans changer. Alors que il dit c'est la blague, c'est que moi je suis dans le groupe depuis tant d'années et moi on m'encourage pas du tout. Tu vois. Et pour en revenir un peu, quand le guitariste il reparle, il dit quand nous avons fait le dernier album, nous enregistrons toujours plus de chansons que nécessaire, donc il reste encore des chansons pour un EP. Et puis on a eu une grosse dispute, donc ces chansons elles sont encore quelque part. Je pense probablement avec l'ingénieur du son. Il y a deux chansons que personne n'a jamais étendues, sauf bien sûr le groupe lui-même, qui attendent le feu vert. Mais comme il y a des tumultes, en fait, ils savent pas vraiment quand est-ce qu'ils vont pouvoir les sortir. Ouais, ils sont dans une phase un petit peu pas forcément claire là, parce que en plus, tu dis que depuis 2025, ils ont rien fait depuis, depuis le départ en fait. Donc ça va être un petit peu la suite de l'histoire quoi. Et donc, on a quand même demandé à Aaron pourquoi il est, qu'il en était pour lui. Moi, ça n'est pas arrivé comme ça. Et lui, ça lui est pas arrivé en mode je m'en vais. Ça a un peu évolué sur plusieurs mois. Je suis pas réveillé en me disant doucement je fais ça maintenant. Ça a juste évolué. Non, c'est quelque chose qui a mûri quand même. Et après, ce qu'il explique aussi, c'est je l'ai dit et je le répète, je me sens 10 ans plus jeune dans ce nouveau projet et ça doit être bon pour ma santé. Et étrangement, je ne sais pas comment ça marche. C'est sûrement quelque chose en fait. Non, mais il y a une petite explication. Je mange mieux, je bois moins, je fais plus d'exercices. Donc, quoi que j'ai décidé de devenir ou de faire, c'est vraiment bénéfique à bien des égards. Et en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai appris, c'est que il y a sa petite fille de 5 ans qui a eu un cancer. Donc, il a dû, à un moment donné, je pense, s'éloigner du groupe pour s'en occuper ou que le groupe était un peu en pause pour faire ça. Et va savoir ce qui se passe dans la tête d'un père de famille après ça, quoi. Tu vis une expérience aussi traumatisante que ça. Donc peut-être lui, il a dit, j'ai envie de faire autre chose et je le fais. Et peut-être que c'était un, je vous emmerde, en fait. Mais c'était pas un je vous emmerde méchant, c'était un truc. Mais ce qu'a fait que le groupe, lui, à un moment donné, c'est peut-être dit, d'accord, nous, on est d'accord avec ce que tu dis, mais si t'es pas là, il faut qu'on avance. Bien sûr. Bon, ce que j'allais dire, c'est que, il y a eu une histoire personnelle un peu, t'as pas le choix, la famille avant tout, quoi. Bien sûr. Mais même sans ça, je veux dire, quand t'as quelque chose qui qui te traverse l'esprit, qui devient vraiment inhérent à toi, t'as une idée en tête et tu veux l'assouvir. Si ça creuse, ça creuse, ça creuse et que tu vas pas jusqu'au bout de tes envies, à un moment donné, ça te bouffe. Bien sûr. Donc, obligé, à un moment donné, faut s'écouter et faut faire ce qu'on a envie de faire. Bien sûr. Et, j'allais faire un parallèle un peu bête, mais c'est comme si, on faisait nos capsules ou même les gens qui font le podcast que à reculons et des trucs qui nous coûtent. Je pense que ça se ressentira à un moment donné. Je pense aussi, ouais. Bien sûr. Mais en tout cas, pour venir sur le groupe, moi, je te donne mon avis rapide. En fait, je me souviens qu'en 2022, j'avais déjà un peu ce même avis de... Je connais ce groupe depuis longtemps, il existe depuis extrêmement longtemps, et j'arrive pas à m'attacher au groupe. Peut-être justement à cause de toute cette longévité qui fait que je n'ai pas suivi le groupe, je l'ai pas accompagné. Donc, je vois juste un gros melting pot de plein de trucs, et en plus, plutôt déprimant. Ce qui fait que c'est hyper compliqué pour moi de m'y accrocher en mode... Donc je suis un peu en retrait de ce groupe et je suis un peu même resté à côté de ce groupe. Okay. Malgré tout, tu vois, cette nouvelle approche via les capsules m'a donné envie de me dire bah peut-être que je pourrais y aller jusqu'à ce que je me rende compte que il y a plus le chanteur historique, donc petit bémol. C'est une nouvelle un petit peu qui peut changer la donne en vrai parce que c'est là maintenant à toi, je t'écoute. Je te rejoins un peu. Alors moi je découvrais totalement. Bien sûr, évidemment. Mais tu vois, ça m'intéresse aussi de me dire, j'ai pas choisi innocemment en me disant le style. Ouais. Allez, je pense que tu te l'es peut-être dit. Moi, j'aime bien la mélancolie dans les sons. Mais malgré tout, je suis pas rentré dedans. Ah, pas du tout, à aucun moment. Dans les premiers albums. Vraiment, je voyais, il y avait quand même un truc, j'avais envie de creuser quand même. Donc c'est là où j'ai moins survolé que Black Rain par exemple. Ouais. Vraiment le style me déplaisait complètement. Donc voilà, j'ai pas été dans l'effort, tu vois. Ouais. Que là il y avait quand même un truc à creuser, je sentais bien, il y avait vraiment un truc qui m'interpellait. C'est pas un problème en soi, mais c'est vraiment très très tard en fait que j'ai commencé à vraiment rentrer dedans et à plus m'intéresser. Là, je me suis dit ça commence à me parler. C'est vraiment les 2-3 derniers albums. D'accord. Je dirais pas qu'en plus la différence elle est pas extrêmement flagrante non. les autres, mais je sais pas, il y a peut-être une intention, peut-être une façon de produire la chose différemment. Je les ai sentis musicalement. Ouais. Moi, ça m'entraînait beaucoup plus. Ça me portait beaucoup plus. Alors après, j'ai un peu lutté quand même. Donc, j'étais vraiment dans une démarche. Je comprends pas. Il y a un truc quand même. Et quand t'as dit que c'était plus Death Doom, je comprends plus le côté. Parce que moi, c'est vrai que je partais sur un groupe un peu vraiment goth. Ouais, ouais. Donc, je suis pas expert style-là. J'en ai découvert d'autres. Mais là, c'était un peu différent. Voilà, c'est pour ça. C'était pas que ça. Mais c'est vraiment, après, à la limite, j'ai envie de te dire que c'est même peut-être du death doom pour alimenter le goth, pour alimenter le côté gothique. Oui, de la chose, oui. Tu vois, peut-être pour aller. Parce que vraiment, cette déprime. Il y a la lourdeur du doom et puis qui va aller un pouce. Parce que quand tu disais que c'était un peu déprimant, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Parce que la mélancolie, moi c'est pas quelque chose. Mélancolie, voilà. Pour nourrir la mélancolie. Voilà, c'est ça. Et tu vois, moi la mélancolie, c'est pas un sentiment triste. Je ressens pas comme une parce que profonde toi, t'es tristesse. Tout le temps heureux, mec. Tout le temps heureux. C'est tout le temps le bonheur dans ta vie. Non, parce que la mélancolie, ça va pas te pousser à réfléchir à les périodes les plus joyeuses de ta vie, hein. Bien sûr. En général, quand tu utilises la musique un peu, parce que bon. Moi, c'est ce genre de musique-là, voilà, c'est, je me retrouve souvent, tu sais, t'es dans ta bulle, t'es seul avec toi-même, tes émotions, tes ressentis, tout ça. Et franchement, il y a des trucs qui m'intéressaient dans ce qu'ils proposaient. Et dans les derniers albums, vraiment, là, je m'y retrouvais bien. Il y avait un bon équilibre. Ça me portait plus facilement. Alors peut-être que c'est venu justement avec l'effort, parce que c'est ce que je te dis. Je sais pas. Est-ce que c'est la prod ou est-ce que c'est quelque chose, mais. Non, ou c'est peut-être pas pour rien non plus que le groupe est là depuis si longtemps. Quoi. Ouais, bien sûr. Et tu l'as peut-être pas encore identifié, je pense. Mais la question se pose. Très intéressant. La question se pose, Tonai. Est-ce que tu vas le voir? Est-ce que je vais aller le voir? Alors, ça pourrait dépendre de ce qu'il y a en face. Bien ça sûr. Dépend à quel moment de la journée, entre quel et quel groupe. Parce que c'est vraiment sous un... tête d'affiche. Ouais, non, mais c'est même pas trop ça. Ça dépend entre quel et quel groupe. C'est un groupe quand même où... Ouais, tu dis qu'il faut être dans un certain mood. Faut être dans un certain mood, ouais. Moi, je fonctionne comme ça, tu sais... Si je veux pouvoir vraiment vivre la chose du mieux possible, ouais. Faut. Moi, j'ai besoin de faire ça assez intelligemment, tu vois. Ouais. Tu vois, si je veux pouvoir en profiter pleinement. Je suis assez curieux quand même pour dire que je pourrais quand même bien aller faire un tour. Je suis curieux, plutôt positif en plus. D'accord. J'ai quand même un avis assez positif en fait. Hein. J'ai envie de creuser encore un peu ce groupe. N'hésite pas, c'est là donc, pour ça. Ouais. Donc, moi, je serais sur faire un tour pour l'instant. Ok. Un peu vers le oui quand même. Donc après, voilà, c'est tous les autres, tout ce qu'il va y avoir autour qui va un peu préciser sur le tas, quoi, en fait. Ça se verra sur le tas, je pense, un peu. Donc, on a quand même une chance de te voir My en Dying Breed. My Dying Breed. Et ben, ça a encore coupé l'image. Oh non! Ah ouais, c'est comme ça. Bon, écoute, on te retrouvera peut-être ou pas là-bas, on verra, mais en tout cas, c'était une bonne découverte. Ouais, bonne découverte. Très pleine de curiosité. Et ben, ça me fait très plaisir. Et du coup, je te propose qu'on se retrouve prochainement pour des capsules. Et ben, vas-y, on fait ça. Et ben, avec plaisir. Allez, la prochaine, Tonight. Ouais, à très Merci vite. Merci beaucoup. Salut. Ciao, Jack.